Est-ce qu'on peut poser des questions ou pas? Je vous donne 5 minutes. Pas plus. Mais je l'avais posé la dernière fois, mais je crois pas que j'ai vu. Parce qu'après j'étais c'est quoi? Est-ce qu'on peut faire du yoga? Ah. En fait, je n'ai pas voulu répondre à cette question. Ben ouais, comprends. Est-ce qu'on peut faire du yoga? Vous savez, mon portable, ah oui. Il est là, il est là. Je l'ai mis là. Parce qu'il a juré. Le problème dans les arts, en général, est lié surtout aux arts martiaux. En fait, il y a une part d'adoration dedans. C'est ça le problème. Ah bon ? Dans quoi ? Oui. Les positions, en fait, ouais. qui sont faites, elles sont. C'est une adoration. Pour, voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que je voulais savoir si vraiment. Donc, le yoga, je ne sais pas exactement à quoi ça constitue, mais je pense qu'il y a. Moi, je pensais que c'était juste une technique de respiration. Ah, c'est après que les gens l'ont transformé en une technique de respiration. Beaucoup des arts asiatiques. Il y a la vénération des maîtres et des dieux. Les positions que prennent les gens dans les karatés. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a fait l'art martial, peut-être. On va lui dire certains gestes, que ce sont des arts d'adoration. Vous voyez que les gens, ils font comme ça. En fait, on regarde le ciel et la terre. Vous avez compris? En fait, c'est la salutation du ciel et la salutation de la terre. Et quand il se baisse comme ça, les yeux regardent, en fait, c'est le statut du grand maître qu'on salue. Donc, on salue le ciel, la terre et le grand maître. C'est ça le sens. Donc, tous ces gestes-là ont des sens. Bien sûr, la personne qui va le faire, c'est tout simplement dans la maîtrise de l'art. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu répondre à ta question, parce que je ne sais pas à quoi les mouvements du yoga constitue. Je ne pense pas que ça se limite seulement à un mouvement qui constitue pour voir si c'est la respiration et la rétige du corps, il n'y a pas de problème. Mais si elle a un lien avec une adoration quelconque, peut-être il faut éviter les gestes dans lesquels il y a l'adoration et le reste, c'est bon. Et même si nous, on se dit notre intention, c'est juste pour se défendre. Oui, c'est vrai. Bon, c'est ça, c'est justement là où il y a l'ambiguïté. Parce que si nous avons la certitude que nous faisons l'adoration, c'est sûr et certain que c'est clair. C'est clair que c'est interdit. Et c'est dans le sens où ce sont des gestes qui ont été déjà destinés à quelque chose. Donc c'est pour ça que je ne connais pas la réponse, tout simplement. Il n'y a pas de sucre dedans ? Non. Ok. C'est bon, je n'ai pas répondu à ta question, je sais. Non, c'est pas. Bon, j'avais vu tout ça, mais je voulais quand même poser la question parce que j'ai. Mais tu peux faire quelque chose sans faire tous les mouvements de yoga. Ouais. En fait, tout simplement, tu vas t'asseoir et tu essayes de faire une maîtrise de la respiration. Ça veut dire, tu t'assois, tu. Comment on dit? Expire, on dit. Et puis tu coupes ta respiration et tu calcules le nombre de minutes. Le nombre de secondes que tu es capable de le faire. Et en le multipliant plusieurs fois, et prendre une organisation qui est continue dans le temps, tu vas voir que ta capacité d'abstenir la respiration, elle se modifie au fur et à mesure, ça veut dire elle augmente. Donc voilà, il y a ça. Mais le yoga seul ne suffit pas pour vraiment maîtriser la respiration. Il faut faire des activités physiques intenses. Ça veut dire la course. Et il faut à chaque fois augmenter dans la distance et la vitesse. C'est-à-dire, chaque fois, il faut évoluer. La natation, par exemple, tout ça, ça consiste à pouvoir tenir une bonne capacité de respiration. Parce qu'elle est liée aussi au mouvement du cœur. Est-ce que vous avez compris? Au mouvement du cœur. Si vous êtes gras, votre cœur, vos ventricules sont bouchés de gras, et vous n'avez pas capacité de garder votre souffle. Donc, quand vous faites 1000 fois le yoga, ça ne change rien. Parce que le problème, il est physiquement en vous. Donc, il faut trouver une solution pour brûler cette graisse, donc par la course, par une énergie intense. Donc en associant tout ça, les karatéka ou bien les arts martiaux qui font ça, ils sont toujours en mouvement. Donc il faut concilier toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez compris? En fait, on est dans une situation d'incohérence. Vous avez compris? D'incohérence. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit toujours la nature. Donc ça, c'est une règle. Pour moi, c'est une règle. Retenez ça comme ça. Et chaque fois que je vous parle, c'est en fonction de cette règle que je vous parle. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que tout ce qui est lié à la nature. Les règles générales de la nature ont créé un cycle. Alors, tu vois, quand elle a mis un cycle dans les choses, c'est un cycle dont plusieurs choses se lient. Dès qu'il y a un seul facteur qui s'absente, ça crée une désorganisation dans tout le cycle. C'est quoi? C'est le manger, donc le carburant, l'énergie, l'activité. Et l'activité, c'est pour le carburant, c'est pour l'énergie, l'énergie pour l'activité, l'activité, c'est pour le carburant, et ça continue, le cycle. Dès que vous enlevez un seul, vous allez voir que ça va se perturber. C'est-à-dire que vous mangez pour trouver de l'énergie, pour pouvoir bouger, pour pouvoir chercher à manger. Donc en bougeant, vous cherchez à manger. Vous avez compris? Donc en cherchant à manger, c'est le mouvement. Vous faites l'effort pour trouver de quoi manger. Et quand vous mangez, c'est pour trouver l'énergie, pour pouvoir chercher à manger. Vous voyez? C'est-à-dire que le chasseur va aller chasser. En chassant, il court derrière le gibier. Pourquoi il tue le gibier? C'est pour le manger. Pourquoi il doit manger? Pour trouver de l'énergie pour bien chasser. Chasser. Est-ce que vous avez compris? Voilà le cycle. Et tout ce que nous faisons dans la vie, c'est comme ça. Donc, dès que vous enlevez un de ces cycles-là, ça va se perturber. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup et que vous ne faites pas d'efforts pour trouver de quoi manger, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? De l'énergie accumulée. Et cette énergie stockée, qui n'a pas trouvé de moyen à être brûlée par l'effort, c'est ça qui crée toute la déséquilibre. Et c'est dans cette situation que nous sommes. Donc, on est dans un monde où il y avait un frère qui disait, c'est on prend, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé, on prend le moindre effort. En fait, la moindre effort. C'est-à-dire qu'on essaye au fur et à mesure de ne pas faire beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est notre monde. Donc on mange beaucoup et on fait moins d'efforts. Alors que ce que nous mangeons doit être équilibré à ce que nous faisons. Dès qu'il y a un déséquilibre entre les deux, tout va se perturber. Vas-y, faire toutes les séances de maigrissement. Comment on dit là? Régime. Eh bien, peut-être le régime va constituer encore de manière que tu vas devenir encore plus gros. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, puisque notre monde est ce monde de moins d'efforts, essayez de vous trouver, vous, une solution à faire des efforts. Parce qu'on ne fait plus d'efforts pour trouver à manger maintenant, parce qu'on ne va pas courir derrière des gibiers pour les chasser, ni aller labourer la terre. C'est des bureaux, on est assis avec des costumes, et on ne bouge pas. La voiture, au travail, le travail, assis, ainsi de suite. Donc, puisque notre monde est comme ça, maintenant, il faut qu'on s'invente des circonstances dans lesquelles on va faire des efforts. Soit la personne va aller courir, faire des sports, ou bien il minimise, il diminue dans le transport, dans le transport en machine mobile. C'est-à-dire qu'il faut marcher à pied beaucoup. Vous voyez. Si l'endroit n'est pas loin, il faut essayer d'aller à pied. Il faut s'efforcer. Et surtout en plein été, quand il fait chaud, marcher dans le soleil. Non, mais oui, c'est sûr. Ah oui, surtout. Comme ça, vous souffrez plus. Surtout. Sincèrement. Donc, si vous craignez le soleil et que vous ne voulez pas marcher dans le soleil, sachez très bien que votre corps vous en demande. Donc, voilà l'histoire, voilà le problème. Tant que ce cycle-là n'est pas bien mis en état, faites le yoga que vous voulez. Ça ne changera absolument à rien. C'est bon? Oui. Allez, vous pouvez acheter tous les produits de maigrissement. Je ne sais pas si vous voulez dire. Donc, je crois que les 5 minutes, ça a tout pris. On passe à notre...